Alors comme ça t'as des couilles, hein, au bigot tu parles de tes sous, hein, on a mis ta mère sur écoute, quand le grand frère il parle on écoute. J'fais pas du rap pour les tatas ta tasse, frère t'es mal poli, reste à ta place. Armé dans le bolide, c'est qu'on t'attache, et tu claques des fesses, t'as pas ta cache. Armé dans le bolide avec mes acolytes, que des alcooliques n'appellent pas la police. Frérot si je veux, j'achète ta copine, déterminé, pire qu'un Napoli. Décharge le colis, décharge le colis, j'te fume tu trappes avec 100 grammes de Dolly. J'ai cassé horrible, j'ai cassé Tauris, ramène des rappeurs de toute catégorie. Lâchez le démon, monte sur la moto, je te rafale tes morts. Meuf semi auto, j'ai cassé Yule, tu sais que c'est trop chaud. Pendant que tu coules, j'ai découplé bien au chaud. Ha! Véhicule blesse, Yule comme dame. J'ai découpé bien au chaud. La claque à papa est coupée à l'eau chaude. Tu fumes la papa, posé dans le bloc. Il est derrière toi, tu le vois pas. La claque à papa, tu fumes la papa, posé dans le bloc. Il est derrière toi, tu le vois pas, la claque à papa. Tu parles de tirer, mais t'es pas capable, tu vas te la manger, la claque à papa. Tu parles de tirer, mais t'es pas capable, tu vas te la manger, la claque à papa. Dans le rap de mes fils, je vais fumer, tu vas tirer sur la claque à papa. La claque à papa, dis-leur ça fait mal, la claque à papa. Génération hallucinante, ce que je vis c'est réel, c'est pas du ciné. Les vrais, on les met dans le ciment, toi tu vends du shit pour faire vivre, t'as du ciné. Ouais, le rap c'est mon élément, je fais des rimes en deux minutes frère, c'est inné, hein. Et nique ton règlement, à savoir, hein. Si j'ai signé, respecte pas les règles. Bang, on t'arrose, tu veux des affaires, viens, on t'arrange, on a la rage de vaincre. Ah, vamos, on va les laisser par terre les bangs, en tamos. Non je m'arrête jamais, j'ai ça peu connu comme la mère à Jamel. Non je m'arrête jamais, j'ai qu'à découper toute la concurrence en lamelle. Rien que je me répète la putain de ta race. J'y vais mon nom, le rap c'est le Dallas. Je baisse à gauche, à droite, je tire des coups, ah. Dis qu'à le famas, reste à ta place, on peut vite allumer. Celui qui t'a validé, on peut vite l'annuler. Y'a que Jolene Jean qui pète le calumet en ce moment. Je sais pas ce que j'ai frère, je suis mal luné. Tu fumes la papa, posé dans le bloc. Il est derrière toi, tu le vois pas. La claque à papa. Tu fumes la papa, posé dans le bloc. Il est derrière toi, tu le vois pas, la carte.